Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Photojournaliste, cadreur et monteur freelance, Clément se définit comme un amoureux du voyage. Il aime orienter ses travaux auprès des voix minoritaires. Je l'ai rencontré sur le stand du collectif Vite Quetzal au festival du Grand Bivouac à Albertville. Dans cette émission Regarde ailleurs, Clément revient sur son histoire et nous parle des objectifs du collectif Vite Quetzal. Salut Clément, c'est dur de parler de soi à la troisième personne. Amoureux du voyage depuis que je suis petit, amoureux de la rencontre. Et voilà, donc depuis que j'ai 14 ans, j'ai commencé à voyager pas mal au nord de l'Afrique. Ensuite, je suis tombé amoureux un peu plus de l'Afrique de l'Ouest, puis de l'Amérique latine. Et petit à petit, j'ai eu envie d'apprendre à partager ces témoignages. Et donc voilà, j'ai travaillé sur différents petits projets, des reportages, des documentaires. Et j'utilise beaucoup la photo pour transmettre ces témoignages. Avant de rentrer dans les projets que tu mets en place aujourd'hui, je vais revenir sur toi et le voyage. Tu te dis à 14 ans, comment est-ce qu'on part à 14 ans déjà? Qu'est-ce qui a fait que tu aies envie de voir ce qui se passe ailleurs? C'était en famille ou c'était déjà quelque chose que tu avais à l'intérieur de toi? C'était lié à la famille. En fait, je suis d'origine algérienne et donc il y a eu un décès dans ma famille à cet âge-là. Et j'ai décidé, enfin, avec l'autorisation de ma mère, j'ai pu partir tout seul en Algérie à la rencontre de mes oncles et tantes, etc. Et voilà, ça a été la première rencontre d'une autre culture. Et depuis, bah voilà, je suis tombé amoureux un peu de ces chocs qu'on peut avoir en voyage. Et t'es resté vraiment sur la partie géographique Afrique ou est-ce que tu as eu l'occasion de voyager dans d'autres régions? Ah non, ouais, dans pas mal de régions. Ce sera même plus l'Amérique latine. Et les premiers gros voyages personnels où vraiment j'ai essayé de me remettre en question ou un peu en rejet parfois de la société, c'est, par exemple, ça avait commencé en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où là, après avoir démissionné de mon travail, etc., j'ai claqué la porte, j'ai pris mon argent et je voulais me perdre justement à la rencontre d'autres personnes, d'autres modes de vie, d'autres visions. Et voilà, j'ai atterri en Papouasie-Nouvelle-Guinée, plusieurs histoires, je me suis perdu et j'ai été accueilli par une tribu avec laquelle je suis resté un peu plus de 2 mois. Et à partir de ça, du coup, bah voilà, je suis tombé amoureux un peu de ces savoirs autochtones et j'ai essayé de leur donner la parole par le biais de l'image, essayer de montrer qu'il n'y avait pas une civilisation. Souvent, on entend ça, c'est le progrès, la civilisation à suivre, mais montrer que non, il y a des civilisations, qu'on a à apprendre de toutes, qu'il y a des vérités, il y a peut-être des choses un peu fausses dans chacune de ces civilisations, mais que, voilà, on peut apprendre de chacune d'elles. C'est vrai qu'on peut apprendre de tous, mais il y a une réalité aujourd'hui qui... quelle est ta vision là-dessus? On parle de mondialisation, de globalisation, d'uniformisation de ces cultures, des peuples du monde. Quel est ton regard sur cette uniformisation? Je serais peut-être un peu pessimiste là-dessus, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. On peut... Ouais, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. On parle beaucoup, justement, comme tu dis, de mondialisation, c'est souvent en mal. Voilà, on mondialise un peu, bah voilà, il y a plus de guerres, il y a le paradoxe aussi d'un monde plus ouvert, mais il y a plus de frontières que jamais, des murs se construisent. Et bah, pourquoi pas essayer de mondialiser l'amour, mondialiser l'intérêt pour les autres. Voilà, je pense que la mondialisation, voilà, c'est, il ne faut pas voir la mondialisation, en fait ce serait comme un jardin, où il ne faut pas voir la mondialisation comme un jardin où on mettrait que des fleurs jaunes par exemple. Mais je pense que la mondialisation, bah, ça peut être un grand jardin avec des fleurs violettes, des fleurs jaunes, des fleurs roses, chacune avec son parfum et sa richesse. Quelque chose qui se mélange de parfums, ça peut être la mondialisation. Donc voilà, je pense que c'est peut-être plus enrichissant un jardin rempli de fleurs et de parfums différents qu'une fleur qui est peut-être très belle, jaune, avec un très beau, très beau parfum. Voilà. Donc continuer à cultiver la diversité. Exactement, bien joué pour la transition. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Ouais, donc je vais quand même revenir un peu sur toi et cet itinéraire de voyageur. Donc forcément, quand on grandit, t'es tombé dans ce virus-là, tu l'as chopé, quoi. C'est bon, le voyage, c'est quelque chose qui était devenu acquis pour toi. Se pose souvent la question du modèle économique, de la vie, des retours en France. Comment faire pour allier la passion, ce qui t'habite intérieurement, et la réalité quotidienne? Alors au départ, c'était plutôt simple pour moi, parce que avant je travaillais dans le snowboard, je faisais de la compétition au snowboard, donc j'avais quelques économies de côté, donc c'est ça qui a financé par exemple mon premier voyage en Papouasie. Mais bah, comme tout le monde, c'est vite redescendu à zéro. Et en chemin, donc là c'était pour un voyage en Amérique latine, je pensais partir un mois. Et puis petit à petit, bah, la débrouille, travailler dans des auberges, travailler sur des voiliers, à nettoyer des bateaux. Des convoyages aussi de bateaux, enfin en restauration, plein de petits boulots. Bah, j'ai vu que j'ai réduit peut-être un peu mes besoins et voilà, j'arrivais à vivre avec 200, 300 dollars, 400 dollars, ça variait. Et voilà, juste en échangeant parfois, voilà, en cultivant un jardin, bah, la famille m'offrait les repas ou des choses comme ça. Ouais, donc un peu le système D, le slow life, le low tech. Mais ouais, la débrouille quoi, la débrouille, ouais, et beaucoup de chance. T'en es où aujourd'hui ? Ça a bien évolué, notamment bah, grâce à la Villa du Grand Bivouac. Donc, c'était un projet du festival pour essayer de soutenir des jeunes dans certaines démarches. Et là, bah, mon désir, c'était de continuer avec la force de l'image justement pour retransmettre ces témoignages. Et j'ai essayé de fonder un collectif de photographes pour mettre en place des ateliers de photographie, donner la parole à ces voix minoritaires. Et ben voilà, ça a l'air bien parti, ça marche. Après, niveau métier, qu'est-ce qui me finance ? Je travaille comme cadreur et photographe, justement, parfois pour des réalisateurs. Là, je pars bientôt en Roumanie. Avant d'entrer plus dans le cœur du projet Quetzal, ta vie de snowboarder, elle est devenue quoi ? Ah bah, j'ai gardé la passion, mais ouais, c'était un total rejet. Pareil, c'était de la chance au départ, je rêvais pas du tout d'être pro dans ce domaine. J'ai eu la chance de, une fois un ami m'a inscrit à une compétition, j'ai pu gagner cette compétition, des sponsors qui se débloquent, mais j'ai vécu de ça 3 ans. Mais tu sais, très m'as-tu vu, l'ego, à regarder ce que font les autres, etc. Et voir les amis qui changent aussi, des amis avec lesquels on s'était fait des promesses d'essayer de ne pas prendre trop la grosse tête. Et voilà, au bout de 3 ans, gros rejet, j'ai fermé la porte, j'ai claqué et je suis parti en Papouasie. Ah mais donc t'as vraiment arrêté le snowboard quoi, c'était plutôt l'esprit qui allait autour, qui allait avec, qui t'a gonflé quoi. Ouais c'est ça, mais après l'amour de la montagne je l'ai toujours, ça à chaque fois que je reviens en France, c'est là par exemple j'espère arriver à revenir en mars et je vais faire peut-être si je viens un mois en France, je vais faire peut-être 20 jours de snowboard en montagne, mais pour moi quoi. Comment t'as choisi la destination Papouasie, Nouvelle-Guinée ? Donc après ma démission elle était en mars 2009. Après ma démission, je suis retourné en Algérie, donc un pays que je connaissais parce que j'avais commencé à voyager là-bas assez jeune. Là-bas, j'ai pu rester avec un Touareg, 13-15 jours, je ne me souviens plus très bien. Toute la journée assis, à boire des thés, à parler sur le monde, l'amour, la mort, etc. Et en rentrant, je me suis dit, bah voilà, il faut que je rencontre d'autres personnes comme ça qui vivent peut-être, qui ont une autre vision un peu de la vie. Et donc en rentrant, j'ai commencé un peu à étudier les peuples autochtones. J'ai pas du tout une formation dans ce domaine, mais voilà, j'ai commencé à regarder un peu ce qui se faisait. Et je suis tombé sur d'abord un reportage sur la Corée du Nord d'Éric Lafort, donc un photographe connu. Et en regardant son site, j'ai vu des photos de Papouasie. Je dis Papouasie, je savais même pas le situer sur une carte. Et voilà, j'ai commencé à regarder, j'ai vu une certaine force dans ces photos. Je dis bah voilà, c'est là qu'il faut que j'aille. Et 15 jours après, je suis parti. J'ai pris mon billet le jour même, là, quand j'ai eu la photo. Pendant ces 15 jours, j'ai essayé de me débrouiller à apprendre un peu de pidgin, donc c'est un créole papou. Good plala lokimu, one name belong me clément. Voilà, je me souviens de quelques bases. Et voilà, je suis parti là-bas et après, de belles rencontres. Donc là, avec un appareil photo, dans l'idée de documenter un petit peu le sujet, quel était le projet ? Qu'est-ce que tu allais y faire en Papouasie ? Il y avait zéro projet. C'était me perdre, je sais pas, j'avais besoin comme d'un choc. Et un ami m'avait laissé un appareil photo, donc un ami qui faisait de la photo dans le snowboard m'avait appris vite fait les bases de cadrage, comment répartir un peu une photo, etc. Mais non, je partais pour moi, zéro projet, rien du tout. Et en fait, les 5 premiers jours, donc la Papouasie à cette époque-là, c'était pas trop un pays où on va seul, sac sur le dos. Enfin, il n'y avait pas d'infrastructure pour ça. Il n'y avait même pas de route entre certaines villes. Voilà. Et arrivé là-bas, j'ai eu plusieurs soucis. Un certain racisme envers les Blancs, mais qui est complètement justifié quand on voit l'attitude de certaines personnes là-bas. Il y a beaucoup de groupements pétroliers, il y a énormément de pétrole, de gaz, d'or, et donc beaucoup de personnes qui vont là-bas pour exproprier certaines terres. Et donc il y avait un rejet justement de un racisme envers les Blancs, mais qui à mes yeux était complètement justifié. Et donc pendant 4-5 jours, bah voilà, des personnes me bousculaient, m'ont craché dessus, etc. Et au bout de 4-5 jours, j'ai dit bon, il faut que je parte de cet endroit, je retourne dans un milieu que je connais. Et étant de Savoie, donc je connais un peu les montagnes, j'ai décidé d'aller tout droit vers une montagne, aller camper au sommet pour retourner dans un milieu où je me sentirais peut-être plus en sécurité. Peut-être un peu un excès de confiance, je pensais arriver en une après-midi, j'ai mis 2 jours à arriver là-bas, la jungle papoue. Et pendant la nuit, donc, je me suis perdu. Et 2 personnes avec des machettes ont commencé à menacer, à dire hey, le petit blanc, alors tu t'es perdu, à faire frôler les machettes près de ton visage, etc. Et là, donc 23 ans, je me sentais fort, même si je suis petit, voilà, je fais 1m60, mais j'aimais bien la baston. Je me disais, oh, j'arriverai toujours à me défendre, ça, il n'y a pas de problème. Et bah non, j'ai rien fait, j'avais mon couteau dans la poche, rien du tout. J'ai juste mis mon sac devant et j'aurais demandé s'il connaissait la neige. Et en voyage, je prends toujours des photos de chez moi, de la neige, des montagnes, aussi de la France. Voilà, j'ai des photos d'immeubles. Alors, vous connaissez la neige, c'est comme des plumes, vous savez, mais un peu glacées, un peu un truc théâtral. J'ai commencé à leur faire. Et en montrant les photos, ils ont posé les machettes. Et voilà, on a un peu parlé, ils m'ont souhaité bon voyage. Et le lendemain, je suis retourné dans la ville où les gens me crachaient dessus. J'ai dit, voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Que j'utilise la force de l'image pour essayer de partager mon discours. Et je suis retourné dans la rue, il y avait une femme qui vend les noix de Bethel, c'est voilà, des noix qu'on vend dans la rue. Et pareil, elle me regardait un peu bizarrement, je peux m'asseoir à côté de toi, tu sais ce que c'est la neige ? Elle voulait pas trop, je commence à lui montrer des photos, son cousin vient, son frère vient, d'autres personnes, 5, 10, 15, 20, 30 personnes d'un coup à côté de moi. À expliquer pourquoi j'étais là. Ah, un petit blanc qui va apprendre de nous les noirs. Ah, ils se mettaient tous à rigoler. Et parmi ces 30 personnes, il y a une femme qui m'a dit « Demain, on se retrouve au pied de cet arbre et je t'emmène dans mon village. » Donc je pensais que ça allait être un village près de la ville, à 5 km, tu vois, avec l'électricité, l'eau courante, pas du tout. C'était à 20 km, premier blanc du coup qui arrivait dans le village, le chef l'arc à la main qui m'a accueilli. Et voilà, et je suis resté 2 mois avec eux. Seul, tu as fait cette aventure tout seul. Ouais, ouais, ouais. T'as pas peur ? Ah si. Bah toute la nuit je tapais quand je m'étais perdu, j'avais donc très chargé, j'avais pas encore appris peut-être à me décharger de certaines choses matérielles. Très chargé, je tapais des pieds au sol avec la peur des serpents, parce qu'il y a énormément de serpents dans cette jungle. Donc essayer de faire des vibrations au sol, j'avais mal au bassin comme pas possible. Mais si, bien sûr que j'avais peur si. Et donc tu passes 2 mois dans ce village, qu'est-ce qui se passe ? Raconte-moi un petit peu, synthétise-moi ces 2 mois. La première semaine, on va dire que c'était une semaine de transition. Donc la fille a bien expliqué pourquoi j'étais là. Son frère m'a accepté. Le cousin aussi, donc le cousin était le chef du village. Faut imaginer, c'est un village où il y a 28 personnes. Les autres villages à proximité sont à 4 ou 5 km, mais c'est des familles, voilà, des cousins, c'était très clanique. Et pendant une semaine, voilà, on m'observait beaucoup, notamment le grand-père qui était l'ancien chef du village. Et voilà, qui disait, ça y est, les blancs arrivent chez nous, qu'est-ce qui se passe ? Et voilà, petit à petit, donc, ils m'observaient jusqu'au jour où, en m'apprenant à faire du feu, j'essayais d'apprendre à faire du feu avec les mains, le bambou, etc. Et j'arrivais pas trop, je me plaçais mal. Et là, il m'a pris la main. Et là, je me souviens, la fille donc, s'est mise à pleurer. Moi aussi, il y a une larme qui coulait toute seule. C'était vraiment un geste puissant de sa part. Le fait, au moment où il m'a touché, ça veut dire qu'il m'acceptait. Et à partir de là, voilà, j'étais considéré comme un membre de la famille. Tout le monde prenait soin de moi, on m'invitait à aller chasser avec eux. Et pour les échanges, la langue, comment tu faisais à ce moment-là? Parce qu'il y a quand même toujours cette, peut-être cette frustration d'avoir envie d'aller plus loin dans l'échange. Oui, ah bah ça c'est sûr que je suis même resté frustré avec certaines personnes. Il y a notamment donc, une dame qui parlait même pas le pidgin, donc c'est la racine de 700 dialectes en Papouasie. Et eux donc, avaient leur propre dialecte, un dialecte pour 28 personnes. Ce dialecte-là, je ne comprenais pas. J'avais mes bases en pidgin plus l'anglais. Et souvent, donc, c'était la fille qui traduisait quelque chose. Sinon, c'était avec les gestes, des sourires, des, voilà, des mimes, etc. Mais on est arrivé à se comprendre. Attiré tel un aimant, je m'assieds sur l'argile. Mais qui donc sème ses pouces si fébriles? J'ai la main verte, noire, munie d'un tamis. Je passe au crible dans un semoir un tas d'amis. Prier pour mieux s'aimer, un jeu, un thème, les règles décimées pour mieux régner. Afrique, j'aimerais tant qu'on s'aime. Woyoy, woyoy, woyoy. Mon terre, ma querida. Woyoy, woyoy, woyoy. Oh, vivi tu di bupo. Woyoy, woyoy, woyoy. Estiuro di libertad. Woyoy, woyoy, woyoy. Panos povo africano. Que laisse l'âme de ferraille. On ne sent rien, on n'y est pas, mais cela nous touche. J'impressionne les sonotones, en monocorde je peste, c'est monotone. Je conjugue le verbe s'aimer par tous les temps. Le glas je le sonne, Africa, j'aimerais tant qu'on s'aime. Woyoy, woyoy, woyoy. Mon terre, ma querida. Woyoy, woyoy, woyoy. Oh, vivi tu di bupo. Woyoy, woyoy, woyoy. Estiuro di libertad. Woyoy, woyoy, woyoy. Panos povo africano. Doté d'une telle richesse, rude comme paradoxe. Des valises sur ta glaise, carte postale, info ou intox. Aimer tant, c'est ce que tu sais faire. Alors sème le temps. Et si s'aimer semble compromettant, qu'on s'aime, Africa, j'aimerais tant. Donc tu te retrouves avec les Papous pendant 2 mois à vivre une vie assez improbable que tu filmes un petit peu, que tu documentes. Et quelques mois plus tard, tu rentres en France. Quelle est la suite? Le retour brutal. Ouais, en déconnexion totale avec les amis qui au retour me parlent de bien, on va se casser le ventre à manger un kebab, une pizza. Ah, t'as vu ma nouvelle voiture? Et moi j'étais en total rejet, limite dépression quoi, le retour. Et je suis parti, je sais plus exactement, 5 ou 6 mois après mon retour, j'ai décidé d'aller voir l'opposé. Je me suis dit peut-être que j'idéalise trop ça. J'étais limite prêt à retourner dans la jungle et rester là-bas. Et du coup, bah, j'ai décidé d'aller aux États-Unis. Et donc là, je suis parti avec 3 amis qui faisaient beaucoup de skate. À l'époque, je faisais pas mal de skate. Et voilà, on s'est dit, bon, on part de New York, on va jusqu'en Californie et on va faire plusieurs skateparks. Et moi, de temps en temps, je partais tout seul en stop et je les rejoignais, etc. Et voilà, donc le choc, voilà, Forêt Papou, Las Vegas par exemple, c'était assez intéressant. Pareil, j'en ai rien tiré, pas de film, rien du tout. Mais ça a cassé quand même aussi pas mal de préjugés que j'avais sur les États-Unis. Avant, je pensais, 9 personnes sur 10 étaient le stéréotype d'Américain que tu vois dans certains films, etc. Hyper consommateur, en rejet total des autres, pas intéressé par l'étranger. Et non, pas du tout. J'ai rencontré quelques personnes stupides, mais c'est une petite minorité plutôt. En tout cas, Clément, un homme de contraste. Maintenant, je vais rentrer dans ce projet-là. Donc là, il y a du concret, il y a quelque chose qui existe. J'ai sous les yeux une brochure, ou plutôt un livre, version papier, vit de Quetzal. Donc, parle-moi un peu de la naissance de cette idée, de ce projet, et de quoi il est question. Donc, Vie de Quetzal, c'est un collectif de photographes qui désire donner la parole aux voix minoritaires. Donc, quand on dit voix minoritaires, ça englobe les populations indigènes, les migrants, les sans-abri, les tirailleurs, enfin, toutes les personnes qui, selon nous, n'ont pas forcément la parole dans les médias. Et notre idée, c'est de leur donner la parole à travers l'image. Donc, un peu comme, c'est un peu un souvenir de la Papouasie, cette force de l'image, en créant des ateliers de photographie. Voilà, on leur propose des caméras, on reste plusieurs semaines, plusieurs mois avec eux pour les former basiquement à la photographie et essayer d'enlever les filtres que nous on peut avoir dans certains discours. Avec tout l'amour que j'ai pour certains peuples, j'aurai toujours une vision basée à partir de ma culture. Tandis que si j'arrive à leur proposer des outils, ça permet peut-être de retranscrire un discours par le biais du langage universel de l'image. À partir de ça, on crée des reportages qu'on essaie de diffuser via les réseaux de diffusion classiques, magazines, les journaux, sites web, etc. Et pour se financer, on a mis en place cette revue annuelle où on retrouve certains de ces reportages, l'explication de certains ateliers. Et ça nous permet d'avoir peut-être une certaine crédibilité dans nos finances. Un exemple, là par exemple, on a travaillé auprès des Quichua de Sarayaku en Équateur, qui ont un problème avec un groupement pétrolier qui exproprie les terres, etc. Et ce serait peut-être un peu hypocrite de notre part d'aller les voir, leur dire voilà, on va vous donner la parole par le biais de caméra, mais elles sont financées par une subvention qui est sponsorisée par Repsol qui est à l'origine de ça. Donc voilà, on préfère essayer de se financer de manière autonome et saine. Mais donc ça finance quoi, la publication du magazine, mais ça permet pas de rétribuer les photographes du collectif? C'est ça, là c'est complètement bénévole. Les reportages, quand on vend des reportages, là c'est en tant que reporter, quoi, comme freelance. Mais la revue, non, elle a uniquement le désir de financer une autre revue, parce que c'est aussi un autre lieu de diffusion pour ces reportages, qui ne sera peut-être pas diffusé ailleurs, et de financer les prochains ateliers de photographie qu'on fera l'année prochaine. Voilà. Donc, quand tu parles d'atelier photographie, tu viens que du matériel et l'idée c'est vraiment d'autonomiser les populations rencontrées pour qu'elles-mêmes puissent produire à travers le matériel fourni des images que tu valorises derrière pour pouvoir expliquer un peu des modes de vie et des savoir-faire. Autonomiser par rapport à la photographie, voilà, parce qu'il y a, plein de populations qui ont leurs idées et nous on cherche juste à donner des outils de communication, voilà. C'est ça. Après, on s'adapte à certaines problématiques. Là, par exemple, j'ai travaillé en Espagne auprès d'enfants autistes et trisomiques. Et là, c'était une démarche qui est tout autre de population indigène. Les craintes ne sont pas les mêmes. Dans la jungle, certains croient que ça peut être une mitraillette. On passe rapport à l'image. Et là, par exemple, avec les enfants autistes et trisomiques, il fallait jouer beaucoup sur les sens, la rugosité de l'objectif, le son du déclenchement, etc. Et donc, on essaie de s'adapter aux problématiques. Donc là, vous êtes combien pour l'instant dans le collectif? Comment est-ce que les gens se sont retrouvés, rencontrés? On est 5. Parmi donc, les 4 amis, il y a Julien, donc c'est un ami d'enfance. On se connaît depuis qu'on a 3 ans. Et on a fait chacun notre chemin un peu en voyage. Et on s'est retrouvés en 2011 avec, pareil, des désirs et des constats communs. Et voilà, je lui ai proposé ça. Moi, l'idée a un peu mûri. Et puis depuis, grâce justement encore au Festival du Grand Bivouac, j'avais pu rencontrer Jean-Félix Fayol, qui travaille beaucoup avec les quartiers populaires, et notamment en Amérique latine. Et eux deux ont rencontré deux filles, Elsa Frering et Camille Slors. Je suis désolé si je prononce mal son nom. qu'ils ont rencontré durant le Grand Bivouac aussi. Et voilà, on a échangé durant une année sur cette idée de projet, s'ils seraient intéressés, si l'idée leur convenait, s'ils avaient des suggestions. Et voilà, donc après une année, on est arrivé à construire justement cette revue, diffuser leur reportage. Là, il y a 3 expositions qui sont présentées. Vas-y, on va regarder, on va ouvrir la revue, on va choisir un des reportages et peut-être un petit peu me parler de l'idée, de l'esprit, du message. On va prendre le reportage de Julien Masson sur les tirailleurs sénégalais. Donc là, lui, c'est un reportage d'un peu plus d'une année. Il est allé sur la trace des tirailleurs sénégalais de 39-45 pour essayer justement de donner la parole à ces personnes. Donc là, au jour d'aujourd'hui, quand il a commencé son reportage, il restait 23 tirailleurs référencés au Sénégal. Il allait à leur rencontre pour savoir comment s'est passé... qu'est-ce qu'ils ont vécu. Et là, on a appris plein de choses. Le débarquement de Saint-Tropez, qui sont arrivés en 44 dans le sud de la France pour libérer justement toute la côte provençale. Et voilà, il a recueilli, je crois, une dizaine de témoignages. Et à partir de ça, voilà, il a pu fonder son reportage. Et donc, on apprend énormément de choses, notamment sur le blanchiment des troupes, par exemple. C'est des choses que je ne connaissais pas, où après la libération, le général de Gaulle a décidé à inviter plutôt les résistants et les personnes qui étaient dans les maquis à prendre les vêtements des tirailleurs. C'est ce qu'on a appelé le blanchiment des troupes. Et ça a permis, en même temps, de ne pas avoir des personnes de couleur dans les rues de Paris pendant la libération. Et en même temps, de désarmer justement ces personnes qui étaient dans les maquis et de leur donner la gloire de la victoire. Ensuite, Julien nous amène jusqu'au massacre de Tiaroy. Donc là, c'est le retour des tirailleurs vers le Sénégal qui arrivaient sur les côtes pour retourner au Sénégal sur le bateau. Ils cherchent à demander leur pension. Et là, on leur refuse. On leur dit non, on vous donnera ça sur le bateau. Sur le bateau, non, on vous donnera ça une fois arrivé. Et une fois à Tiaroy, on leur dit non, on vous enverra ça chez vous. Et là, donc, il y a plusieurs, on estime à une centaine de personnes qui ont décidé de dire non, il faut qu'on reste groupé, si on veut avoir notre pension, c'est maintenant. Et malheureusement, l'armée française de l'époque a ouvert le feu. Et ça, c'est ce qu'on a appelé du coup le massacre de Tiaroy, qui a eu lieu le 21 novembre 1944. Voilà. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. C'est incroyable. En fait, ce que je comprends, c'est que vous allez donc à la source rechercher les informations et les livrer à travers des reportages, mais sans filtre. C'est ça. Wow, on doit toujours en avoir, je suppose, mais en essayant de réduire le nombre de filtres. Et là, après, Julien, pour lui, ce qui était important, donc son reportage s'appelle « Mémoire en marche », c'était essayer de la transmission, justement, de ces témoignages. Et c'est pour ça que tout au long de son voyage au Sénégal, il s'était associé avec un collège d'Ugine, en Savoie, pour inviter des collégiens à poser des questions à ces tirailleurs par le biais de vidéos, etc. Et Julien faisait le lien entre ces personnes. Ensuite, Julien a marché donc 700 km à pied du sud de la France jusque dans le Vercors. Et les derniers jours, donc les trois derniers jours, ces collégiens sont venus le rejoindre, ont appris justement peut-être à faire du feu, à dormir dans une tente. Ils dormaient dans des tipis, je crois. Voilà. Et il y avait tout un jeu de pistes qui était créé où ils avaient des cartes de résistants, etc. Et il y avait tout un jeu d'orientation pour aller faire le feu, passer le message à telle personne, etc. Jusqu'à la fin où ils arrivaient donc à un monument dédié aux résistants du Vercors, où là, il se retrouvait face aux tombes de Abdelselem, un tirailleur algérien, de Mahmoud Traoré, un tirailleur sénégalais, pour leur rendre hommage. Belle histoire. Et donc, c'est vraiment le concept de Quetzal, hein, redonner la parole aux opprimés, ou la parole qui n'a pas forcément été écoutée, à travers le collectif que vous êtes en train de monter, de créer. C'est ça. Peut-être que ça inspire ceux qui vont écouter cette émission là. Est-ce que le collectif est ouvert? Comment est-ce que tu envisages la suite, l'évolution du projet Quetzal? Là, l'idée, ce serait parvenir à faire un noyau dur. Après, on est ouvert pour soutenir d'autres ateliers de photographie. Là, le projet pour nous est déjà assez ambitieux. D'essayer d'arriver à transmettre tous ces témoignages, à trouver des lieux d'exposition, des lieux de diffusion. Mais par exemple, on est très intéressé pour soutenir des ateliers de photographie et là on travaille en Haïti avec un photographe qui s'appelle Aurélien Jacouteau et lui pareil qui travaille dans les bidonvilles de Port-au-Prince et notamment le quartier Jalousie. Donc là on lui a envoyé 3 appareils photo et c'est assez compliqué pour mettre en place, il faut avoir l'autorisation de certaines personnes dans les quartiers qui ont un peu la gestion de ces quartiers. Et donc là on a envoyé les caméras, on ne sait pas si on va arriver à faire les ateliers. Mais on essaie. Donc si des personnes ont besoin de soutien pour, à leur tour, essayer de mettre en place des ateliers de photographie, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Un site internet ? Vite Quetzal. Vous tapez simplement Vite Quetzal sur un moteur de recherche ou alors www.vd-6quetzal.net. Je vais quand même l'appeler Quetzal. Hein. Donc vie, V-I-E-S au pluriel, de Quetzal, Q-U-E-T-Z-A-L. C'était Clément hein, qui m'a parlé un peu de son parcours et de cette aventure associative. Hein. C'est ça, exactement. Étant donné qu'on ne se rémunère pas par le biais de cette revue. Et quelle est la suite pour toi ? Dans quelques semaines, un tournage en Roumanie. Donc pour une réalisatrice qui fait un documentaire sur la construction d'un mur à Baia Mare qui sépare les Roms des Roumains. Et voilà, donc elle a tout un documentaire sur un photographe roumain qui cherche à dénoncer ça. Et voilà, je vais travailler comme cadreur sur son documentaire. Merci Clément. Merci à toi. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.